Thank you. On s'acharne néanmoins à perpétuer ce fiasco. On s'entête à tenir pour la norme un passé révolu, un modèle éventé, à donner pour sens officiel aux activités économiques, politiques et sociales, cette course au spectre, cette invention d'ersatz, cette distribution promise et toujours différée de ce qui n'est plus. On continue de prétendre qu'il n'y a pas d'impasse, qu'il s'agit seulement de traverser les quelques suites fâcheuses et passagères de gaffes réparables. Bow, wow, wow, wow, don't you bite me, girl. You went bow, wow, wow, wow, it's all right. You went bow, wow, wow, wow, me and your little poodle dog. De temps en temps dans le quartier, il y a un vieux gaga qui gueule toujours la même phrase. Venez, venez, ça c'est le pays du soleil. Ça c'est le pays de Donaldo, de Michaela. Venez, venez, il y a de la place pour tout le monde. Moi je le regarde, ce vieux crétin, je tourne la tête en conduisant. Je croise le regard de Ninetta qui sort du basso. Nine, mais ce vieux con répète toujours la même chose. Qu'est-ce que tu veux faire, Gennari ? À lui, au cerveau, il s'est arrêté, elle me répond et elle sourit. Red faces all around, on a sunny day. When the rats run up your chairs, they're lagging hard away. Modesty's a cruel user. Simply perspiring, on a shabby scene. When they pulled you in your chairs as if a doctor say when the fat lads spill over, hang over. Coming down, but what about your sweetheart? She's the sun in my heart. Oh, the apple pie, what a sweetheart. Back in the chalet, before the evening show, in anchor socks and swimming trunks, away we go, singing Yellow River. The cabaret turn, come up from rather high. The bad impersonations of Bruce Forsyth. They said terrific for an encore. The sun is coming down, but what about your sweetheart? She's the sun in my heart. Oh, the apple pie, what a sweetheart. I'll go to hell if I'm ever not better time. But the good life doesn't start until you're 29, by which time of individuation. I don't expect you to understand, but you're gonna need a special invitation to use me in your face as a modern man. I like to wear red glasses and dress this way. So write that in your paper on Psychology Today. Hey! My number? Psychology, I'll wait till you're not alone. Psychology, I'll wait till so take my picture. Psychology, I'll wait till and then go home. Psychology, I'll wait till I'm a modern hero with a thousand faces, and I have seen the boundaries of the soul. Accepted the changes. The ladder of life is the reward of the goal. Freud, Adler, and Jung got nothing on me, but do they reflect my psychology? What do you think I am, some sort of psychotic? J'aime particulièrement ton expression « créer ce qu'on nomme », »,« créer, habiter ». Dans « Nuit, bleue nuit », j'ai écrit « J'habite les cabanes que j'inventais quand je les habitais ». Il y a bien là, qu'on se le dise, vocation et travail d'artiste. Réconciliation de l'éthique et de l'esthétique. Je ne suis pas irresponsable de mes dires, on choisit parfois de se taire. Listen here, I want all you soul people gathering around. I've got a brand new dance I've got to put down. Remember the dance my brother James brought to fame? Well, that dance ain't never really had a name. The soul shutting. Oh yeah, soul shutting. Oh yeah, now when your soul shut, you've got to have fun. Like my soul brother number one. Oh, put your head back as far as it'll go. Put your legs straight up on your toes. So soul strutting, oh yeah. Start strutting, yeah. Oh yeah. Put your hands in the air. Shake them everywhere. So soul strutting, oh yeah. Start strutting. Put your head back as far as it'll go. Hey! Put your legs straight up on their toes. Hey! So soul strutting. Oh yeah. Soul strutting, yeah. Oh yeah. Put your hands in the air. Now shake them everywhere. Soul strutting. Oh yeah. Soul strutting. Oh yeah. Start strutting. Hey! Start strutting. Hey! Soul strutting. Hey! Vendredi 1er novembre, c'était maintenant devenu un événement annuel. L'homme qui recevait la fleur fêtait ce jour-là ses 82 ans. Il sortit le paquet de l'enveloppe et retira le papier cadeau. Puis il souleva le combiné du téléphone et composa le numéro d'un ancien commissaire de police qui, depuis sa mise à la retraite, était installé en Dalécarlie, près du lac Silviane. Non seulement les deux hommes avaient le même âge, mais ils étaient aussi nés le même jour, ce qui, vu le contexte, pouvait paraître de l'humour. Le commissaire savait qu'il allait recevoir cet appel après le passage du facteur vers 11h du matin et il prenait son café en attendant. Cette année, le téléphone sonna dès 10h30. Il décrocha et ne s'embarrassa même pas des préambules. « Elle est arrivée, je suppose. Qu'est-ce que c'est comme fleur cette année ?»« Aucune idée. Je vais la faire identifier. Une fleur blanche. » »« Pas de lettre, évidemment ?»« Non. Rien que la fleur. Le cadre est le même que l'année dernière. Un de ces cadres bon marché à monter soi-même. » »« Cachet de la poste ?»« Stockholm. Écriture ?» Comme toujours, des majuscules d'imprimerie, des lettres droites et soignées. Ils avaient épuisé le sujet et observèrent le silence, chacun à son bout de ligne, pendant une bonne minute. Never met. She's in my coffee cup, the girl I've never met. As a waitress searches for another cigarette, I'm gonna lose my mind. I'm not the pretty kind. I'll never forget the girl I've never met. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont au chômage et qui participent à l'activité de ces dispensaires. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retraités. Donc beaucoup de dames retraitées ont du temps et donnent du temps, toujours avec, dans l'esprit de cette solidarité qui est très forte dans, en Grèce, et qui viennent, qui participent, qui donnent de leur temps dans ces dispensaires. All right. more like mom. Saturday evening, spent in a chair. So what, you ain't gone nowhere. Crisis to crisis, cause crying will make it all right. All right, all right, all right. Well, you're stupid if you think that it's everybody else. Come on, get smart, take a look at yourself. And you try, but you got no one to blame. Simple, letting emotions fly. Crisis to cry. Cry, cry, little sister. Crisis to cry. Cry, cry, little sister. Crisis to cry. Cry, cry, little sister. Cause it's all right, all right. Crisis to cry. Cry, cry, little sister. Crisis to cry. Cry, cry, little sister. Crisis to cry. À quoi sert l'État ? Quelles sont les limites politiques et morales de son action ? Dans quelle mesure peut-il légitimement employer la violence contre ses propres citoyens et, de façon plus générale, contre celles et ceux qui se trouvent sur son territoire ? Les philosophes donnent des réponses différentes à ces questions selon la conception qu'ils se font de la liberté politique. Le problème, c'est qu'il existe une quantité presque décourageante de façons différentes et contradictoires d'envisager cette liberté. Heureusement, deux conceptions se détachent nettement de l'ensemble par la masse des réflexions qu'elles ont suscitées et par la richesse de leurs implications pratiques. L'une de ces conceptions est négative et l'autre positive. En quoi se distinguent-elles exactement ? 9 mois plus tôt, elle avait lu un article dans un Popular Science oublié par quelques passagers à l'aéroport Leonardo da Vinci à Rome et instantanément, elle avait développé une fascination totale pour l'astronomie sphérique, sujet ardu s'il en était. Spontanément, elle s'était rendue à la librairie universitaire de Rome et avait acheté quelques-unes des thèses les plus importantes en la matière. Pour comprendre l'astronomie sphérique, elle avait cependant été obligée de se plonger dans les mystères relativement compliqués des mathématiques. Au cours de ces derniers mois, elle avait fait le tour du monde et avait régulièrement rendu visite aux librairies spécialisées pour trouver d'autres livres traitant de ce sujet. après le succès de Signora Wall, on a décidé de faire un autre film avec Ernesto Gastardi, mon fils, etc. On a décidé d'utiliser cette phrase qu'il avait eu un très bon succès sur le film de Signora Wall, de faire un film avec ce titre. Et je crois que le film que j'ai fait pour vivre la stanza Iula, il a eu de très bonnes actrices. Fennec qui faisait une fille jeune et avec les maquillages, il est incroyable. Et aussi la Stringer. Et Luigi Pistini qui est un très bon acteur. Très grand. Hey! What's up, you little jerks? Long time no see, huh? You ready to learn something? All right, now listen up, you little brats. All you's gotta do is start smoking, start drinking, start fighting, and keep on eating pizza. What? Lots of pizza. What? And then one day, you'll be just like us. Personal and the Pizzas, the greatest friggin' band in the world. All right, you ready to do this? Keep up the good work, numbnuts. This one's called Diet, Crime, and Delinquency! Yeah. Cassandre finit son coca-fraise, j'engloutis Gin Fizz, puis nous décidâmes de lever le camp. Je n'avais pas très envie de passer l'après-midi en tête-à-tête avec elle, alors je proposais d'aller faire un tour chez Alexandre, rue Beaubourg, priant tous les dieux connus pour qu'il fût chez lui. Cassandre accepta. 16 francs passèrent de sa poche à celle du chauffeur de taxi, et c'est en courant que nous montâmes les 3 étages veloutés de rouge pisseux. takes a 45. What you Sans compter qu'aujourd'hui, le scénario s'assombrit. Exemple, les agents fédéraux sont sur le point d'aller gronder Mickey, pouvoir magouiller les contrats des bourrins locaux du ring. Exemple, quatre des nervis de Mickey, Carmine et Ramandelli, Nathan Palevski, Maurice Jaelka et Antoine Guérif, le poisson, ont mystérieusement disparu, vraisemblablement après avoir été descendus par une ou plusieurs personnes inconnues et... Fait très très très étrange pour vous, les mecs à la cool. Pour une fois, alors qu'il tourne toujours en surmultiplié, Mickey se garde le clapet bien fermé sur le sujet. I'm Quelle imposture! Tant de destins massacrés à seule fin d'édifier l'effigie d'une société disparue, fondée sur le travail et non sur son absence. Tant d'existences sacrifiées au caractère fictif de l'adversaire que l'on promet d'abattre, au phénomène chimérique que l'on prétend vouloir réduire et pouvoir juguler. Give him a gun! Je la suis du regard pendant qu'elle dandine du cul. Je me la boufferai toute crue, mais elle se fait baiser par l'autre con de camisaro, de chemisier qui a une boutique. Il lui fait faire la vendeuse et en échange... It's me. Le commissaire à la retraite se pencha en arrière sur sa chaise de cuisine et suçota sa pipe. Il savait très bien qu'on ne comptait plus sur lui pour lui poser la question qui ferait déclic. La question d'une folle perspicacité qui jetterait une nouvelle lumière sur cette affaire. Ce temps-là était révolu depuis de nombreuses années et la conversation entre les deux hommes âgés avait le caractère d'un rituel entourant un mystère que personne d'autre au monde qu'eux n'avait à cœur de résoudre. What does that sound like? Saturne devait receler assez de prodiges pour occuper une expédition durant des siècles. Mais cette première mission se bornerait à un simple travail de reconnaissance. Tous les relevés seraient transmis à la Terre, et ainsi, même au cas où les explorateurs ne reviendraient jamais, leurs travaux ne seraient pas perdus. Tell me about tomorrow. Cela fait une dizaine d'années que tu n'es plus là. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi venir infecter mes rêves maintenant? À quoi bon? Hier matin, je faisais des courses, un jeune tiers-mondiste passait une serpillière sur le sol, de droite à gauche, de gauche à droite, autour d'un panneau jaune qui prévenait Piso Morado. L'odeur écœurante du désinfectant a assailli mes sens, et là tu as sauté la digue de ma mémoire. Juste à ce moment, j'ai pensé à toi. Proust avait ses madeleines. Le détergent, mon amour, c'était notre truc rien qu'à nous. Comme les tomates n'avaient pas très bel aspect, je suis rentré à la maison. J'étais lâche et j'ai eu peur. Note bien que je dis peur et non crainte. C'est toi qui m'as appris la différence. Tu m'as expliqué que les enfants avaient peur alors que les hommes pouvaient éprouver de la crainte, même de la terreur, non de la peur. J'ai été tellement seul depuis que tu es mort et que tu m'as laissé, m'abandonnant au déluge, sans la moindre protection. En partant, tu t'es cramponné au barreau du lit et il a fallu que je te desserre des doigts un par un. Ça m'a pris 57 minutes en tout parce que mes mains tremblaient tellement, tu savais ça? Tu croyais sincèrement que la distance entre toi et moi se dissoudrait un jour. Tu m'as dit que je n'étais pas mon père et que tu ne l'étais pas non plus, mais comment était-ce possible? Comment? I made it hard today for her to do it to me. And if it's only to hold her, she's gonna get it today. She's kinda hard to carry. Maybe someone will have to go and take her out on the highway to give her something to know. Mais là, donc, il y a eu ce projet-là que j'ai appelé 11 têtes. 11 têtes, c'était le titre d'un poème, en fait. À la base, c'était 11 poèmes. Puis à un moment donné, comme je voulais faire un lieu de parcours avec des postes différents, j'ai eu cette idée de prendre, à un moment donné, ce titre à une série de poèmes qui s'appelait 11 têtes, qui eux-mêmes avaient été écrits sur des photographies que m'avait donné un ami, Olivier Caparros, qui est un ami philosophe, écrivain, musicien aussi, avec qui je travaille régulièrement. Donc il y a une espèce d'enchaînement comme ça, de passation d'idées. Yes, I feel everything you said. everything you say. I feel everything you say.